Si. Et pour qu'il prenne le contrôle de l'énergie, il faut qu'émotivement, il substitue dans son mental les valeurs, les significations évolutives pour leur donner une caractéristique nouvelle fondée sur la volonté et l'intelligence pure. Ça, c'est ce que l'homme de l'évolution future fera. L'homme ne peut pas fonctionner en fonction du passé quand il est dans la fusion. Il fonctionne en fonction de l'avenir. Mais dans le présent de son action, dans le présent de sa souffrance, il transmute ses corps. Donc, il ajuste son mental. Donc, il défigure constamment les propositions hiérarchiques implantées dans son mental. C'est-à-dire qu'il déforme, il brise la forme, et éventuellement, il possède un mental d'une autre vibration. Il n'est plus assujetti à l'implantation. Est-ce que c'est une question de survie? C'est une question de force. Ce n'est pas une question de survie. Un homme conscient n'a pas besoin de s'inquiéter de la survie. C'est une question de force, c'est une question de puissance. C'est une question d'intégration. C'est une question de mise à feu sur le plan matériel de la conscience atomique. On ne peut donc pas s'attendre de consolation égoïste ou de réconfort de la part d'un ajusteur. À partir d'un ajusteur de pensée, il n'y a rien de plus chien qu'un ajusteur de pensée. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons des voiles spirituelles. Nous sommes en amour spirituel vis-à-vis ces êtres. Et eux se foutent de notre gueule jusqu'à temps que nous comprenons le message. Alors, leur devise, c'est qui aime bien châtie bien. Pas mal. Quelle relation il peut y avoir entre l'ajusteur de pensée et la volonté égoïque de l'homme? Ah, belle question. L'homme qui connaîtra la volonté, l'homme qui saura ce que veut dire volonté, qui fait partie de l'évolution, aura complètement contrôle de l'énergie de l'ajusteur de pensée sur sa vie. Donc, cet homme ne sera plus, sur le plan matériel, conditionnable. Et avec l'intelligence, ça va de soi. C'est le ça va toujours de soi parce que l'intelligence et la volonté grandissent ensemble. Tu ne peux pas avoir d'intelligence si tu n'as pas de volonté. Tu ne peux pas avoir de volonté si tu n'as pas d'intelligence. Mais cette énergie, cet ajusteur de pensée, il est intelligence. Il est énergie et intelligence. Ah, c'est intéressant. Regardez. Ouais. Vous dites, il est intelligence. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? De l'intelligence, c'est de l'énergie. De l'énergie, c'est toujours intelligent. Nous avons donné à la valeur de l'intelligence, ou nous avons donné à l'intelligence une valeur, au lieu de regarder le phénomène de l'énergie comme étant en lui-même intelligent. Vous ne pouvez pas disposer, vous ne pouvez pas même conceptualiser une forme d'énergie qui n'est pas en elle-même intelligente. Regardez même sur le plan matériel. Qu'il se passe n'importe quoi sur le plan matériel de l'énergie qui représente une basse vibration de l'énergie, il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. Même dans la pollution de l'homme de la Terre, il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. L'intelligence, si l'énergie, elle est bloquée dans une certaine direction, elle va aller dans une autre direction. Si elle est bloquée dans une direction, elle va aller dans une autre direction. Imaginez-vous sur les autres plans. Justement, il doit y avoir des mondes unicérébraux, puisque nous autres, on fait partie des bicérébraux, mais il doit y avoir aussi des mondes tricérébraux. Est-ce que sur un monde tricérébral, le contact avec l'ajusteur de pensée est favorisé? Oui, parce que dans les mondes tricérébraux, il n'y a pas de personnalité, donc il n'y a pas entre ces êtres et les plans cosmiques de la réalité, il n'y a pas de participation active au karma planétaire. Autrement dit, les êtres sur ces planètes sont des êtres qui n'ont pas à vivre le karma planétaire, comme nous sur notre planète. Mais ce ne sont pas des planètes en quarantaine. La Terre, c'est une planète en quarantaine. Tout ce qui doit évoluer est envoyé ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est coupé des circuits d'énergie ou Nous avons été coupés des circuits d'énergie à partir au début de la race adamique. Quand si l'homme avait pu pendant des millénaires maintenir le contact télépathique avec ses plans, l'homme ne serait pas dans la situation où il est aujourd'hui. Non, nous avons été coupés de ces circuits et nous avons été donnés la faculté de penser. Qu'est-ce que c'est la faculté de penser? C'est de la merde! C'est une situation psychologique qui nous permet, nous, d'avoir l'impression de. L'homme ne peut pas avoir simplement l'impression de. L'homme doit savoir. Mais pour qu'il sache, il faut qu'il soit en communication avec des réseaux universels de science et d'énergie. Non, nous avons été donné la faculté de penser. Le contact entre l'ajusteur de pensée a été totalement coupé sur le plan universel. Nous avons eu des liens avec le monde de la mort pendant des siècles. Donc, nous avons été en contact avec des hiérarchies spirituelles qui sont devenues nos guides spirituels. Et nous avons été implantés dans le mental des formes de pensée qui utilisent le « je » pour nous donner l'impression que nous avons une identité. Vous vous imaginez? Le « je ». C'est de la manipulation. On dit quand je dis « je pense », Vous, si vous êtes dans votre tête et vous dites, je pense que je vais faire ceci. Ce jeu-là, c'est une illusion. Si on vous disait, si on vous avait dit depuis que vous êtes jeune, comment vous appelez-vous? François. François. Si on vous avait dit, François, cet après-midi ou demain ou dans 10 ans, tu vas faire telle chose. Ah, tu aurais dit, ah, tu me parles. Non. Toi, tu penses. Je pense que dans 10 ans, je vais faire quelque chose. Je pense que cet après-midi, je vais faire quelque chose. Et le jeu est manipulé. Dans le jeu, il a toutes sortes de probabilités. Parce que s'il n'y avait pas de probabilité dans ton jeu, tu aurais le pouvoir. Donc, le pouvoir avec un jeu, ben, tu deviendrais automatiquement probablement un être réellement négatif, parce que l'ego n'est pas capable de contenir une telle lumière. Donc, tu chercherais le pouvoir sur les hommes, et ainsi de suite. Donc, le jeu a été maintenu pendant l'évolution pour donner à l'homme de la personnalité. Et lorsque l'homme sera dans l'évolution et dans la fusion, le jeu n'existera plus. Pourquoi le jeu? Tu te fais du jeu quand tu manges? Tu te dis, je mange un steak? Ou tu manges? Jeu. Mais l'ego n'est pas capable de vivre sans jeu. Un ego qui serait subtilisé son jeu tout d'un coup, il deviendrait fou. C'est ça la fusion. C'est de devenir fou la fusion. C'est de la folie heureuse la fusion. Moi je suis fou. Mais je suis fou de joie parce que je suis libre de cette emmerdeur. C'est ça de la fusion. Ce que vous appelez l'intégration, est-ce que c'est justement le fait d'enlever la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée? Parfaitement dit. C'est ça. Il est là le point. Et l'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée. L'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à quelque entité quelconque. Donc l'homme a été toujours dominé par la hiérarchie. Mais c'est parce que sa pensée spirituelle le met à Évidemment, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a été pris en main, éduqué de cette manière-là. Ah, mais ça arrête avec moi. Est-ce que ça s'est arrêté avec le Nazaréen? Non, c'était pas sa job, le Nazaréen. La fonction du Nazaréen sur le plan matériel, ce n'était pas de faire descendre le principe de l'intelligence sur la Terre, c'était de faire descendre le principe de l'amour. Mais il a été contacté par un ajusteur de pensée. Il a été contacté par un ajusteur de pensée et il s'est fait emmerder jusqu'à la mort. Et Melchisedec avant Abraham? Si le Nazaréen avait fait partie du siècle de l'évolution, il n'aurait jamais fait les erreurs psychologiques qui l'ont emmené au tribunal et qui l'ont emmené à la mort sur la croix. Mais ceci faisait partie des plans cosmiques de la Terre. Il s'est fait manipuler, mais ça faisait partie de sa mission, comme ce fut partie des missions antérieures chez les autres initiés. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse que les hommes, que les initiés qui viennent sur la planète se fassent englober par la hiérarchie à laquelle ils appartiennent, à ces mondes d'où ils viennent. Ça cesse en 69. Est-ce que ces activités des différents ajusteurs de pensée, par exemple en contact avec le Nazaréen ou avec Melchisedec, est-ce qu'elles sont dirigées par une entité, un ajusteur de pensée dont vous connaîtriez le nom? Ce sont des gouvernements. Ce sont des forces, des intelligences, des gouvernements. C'est une hiérarchie. C'est le pouvoir. Ils contrôlent tout. Ils ont le contrôle de tout. Ils construisent des galaxies, ils font effondrer les planètes, ils font tout. C'est la vie. Ils sont les agents qui manipulent les forces de vie. Ils sont les metteurs en scène. Ils sont les agents de la création, ces êtres-là. Qui est Michael? Michael qui? Lequel? Celui que dans la cosmogonie du Rancien on appelle Michael de Nébadon. Michael de Nébadon. Michael de Nébadon représente la distribution égale des parties créatives du cérébral mental supérieur du cosmos évolutif qui est le régent de la galaxie où nous sommes aujourd'hui. Oui, ben ça me fait une belle jambe d'avoir posé cette question-là. Ça m'apprendra. Donc, est-ce qu'on peut dire que les ajusteurs de pensée n'ont pas de vraie personnalité, mais ont une réalité véritable? Ah, très bien dit. Ils ont une réalité véritable. Oui. Et leur réalité véritable doit se fondre avec la réalité de l'homme. Et lorsque la vérité véritable des ajusteurs de pensée sera fondue avec la réalité de l'homme, à ce moment-là, ces êtres-là n'auront plus de personnalité dans le mental de l'homme. Donc, l'homme fera vibrer sur le plan matériel leur énergie, donc l'homme sera dans le pouvoir. Mais tant que l'homme donnera une valeur psychologique à leur réalité, il sera assujetti aux lois du mensonge cosmique. Et quelle loi c'est? Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories d'ajusteurs de pensée, ou ça revient à la question? Je ne suis pas intéressé. Non, okay. Mandez-moi des questions, mais moi je ne suis pas intéressé par la question. Ouais, j'en ai relevé 7 catégories. Les ajusteurs vierges. Les ajusteurs vierges, ceux qui servent pour la première fois dans la pensée d'un candidat évolutionnaire à la survivance éternelle dans les termes mêmes de la cosmogonie durancien. Les ajusteurs avancés, ceux qui ont servi pendant une ou plusieurs périodes. Les ajusteurs suprêmes, moniteurs de mystère, qui ont servi sur les mondes évolutionnaires, mais dont les partenaires humains ont refusé pour un motif quelconque de survivre éternellement. Alors ça, j'aimerais bien savoir quel est le motif quelconque qui a prévalu à leur refus. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que ces ajusteurs-là, ces ajusteurs suprêmes, ont dans leur monde accès à la candidature de devenir éventuellement des êtres absolus. Et à partir du moment où ils ont établi leur candidature, leurs relations avec les hommes deviennent des relations absolues. Et les hommes n'ont pas voulu vivre de relations absolues avec ces êtres-là, parce que les hommes, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un homme, ok? Un homme dans le sens cosmique du terme. Un homme, qu'est-ce que c'est l'homme dans le sens qu'il a été originalement créé? Hein? L'homme, c'est la réunion, sur le plan matériel, de tous les principes cosmiques créés avant l'avènement de la déchirure du voile universel qui a fait une grande lutte, ou qui a été à la source de la grande lutte entre les forces négatives et les forces de la lumière. Donc, avant cette déchirure, l'homme était et représentait dans ces mondes la particularisation de toute leur propre éternité, mais à travers les différents plans jusque dans la matière. Donc, ces hommes-là, il n'y en a pas beaucoup de ces hommes-là. Dans le cosmos, il y en a peut-être 3 500 de ces hommes-là. Ces hommes-là n'ont jamais voulu participer à une relation absolue avec les ajusteurs suprêmes, parce que ces hommes savaient qu'ils étaient capables de réunir éventuellement la totalité de la programmation à l'intérieur de leur propre conscience une fois qu'ils seraient éveillés au contact universel. Ces hommes, nous les appelons les Melchisedec. Et ces hommes ont toujours refusé. Et un jour, il sera reconnu sur la Terre qu'il existe quelque part sur la planète des ou un Melchisedec, et que ces êtres sont la sécurité suprême de l'homme contre l'organisation cosmique, planétaire, galactique, gouvernementale de ces ajusteurs suprêmes. L'homme de l'évolution ne peut pas se permettre de prendre absolument rien comme comptant venant des sphères. Il doit être capable de, par sa propre programmation, d'étudier, de décoder et de créer les obstacles nécessaires à la formation des formes pensées qui seraient encore utilisées pour le maintien sur le plan matériel d'une forme quelconque de nomination, même si l'homme va vers une évolution extrêmement avancée sur le plan technique, sur le plan science et sur le plan matérialité. Le cosmos est extrêmement vaste et les gouvernements invisibles sont extrêmement puissants, et la hiérarchie de l'énergie doit être éventuellement totalement balancée avec l'homme. Et tant que la hiérarchie de l'énergie ne sera pas balancée avec l'homme, il n'y aura pas sur le plan matériel d'identité réelle, il n'y aura pas sur le plan matériel de fusion, il n'y aura pas sur le plan matériel d'humanité capable éventuellement de passer de la matière à l'éther et de se créer pour elle-même un nouveau gouvernement qui sera parfaitement balancé avec ceux qui existent dans la galaxie et qui évoluent depuis des siècles et des millénaires. Il y a quelque chose que nous devons comprendre de ces concepts qui sont merveilleux. Nous devons comprendre, ou l'homme devra comprendre, que la programmation cosmique de l'être humain fait partie de l'organisation intégrale de sa conscience cellulaire sur tous les plans. Donc, l'homme, demain, sur une autre, dans une autre science, l'homme pourra prendre demain une cellule, et faire vibrer cette cellule à un taux d'énergie suffisant pour que cette cellule remplace toute l'activité cérébrale du cerveau humain pendant l'évolution. Donc, il existe dans la cellule humaine suffisamment de mémoire éthérique pour donner à l'homme une totale participation énergétique depuis son temps et allant dans le passé de l'évolution, allant jusque dans les débuts de la création, parce que la cellule représente la concentration ultime de l'énergie cosmique sur le plan matériel. Mais à un niveau qui n'est pas suffisamment élevé pour que l'homme puisse bénéficier de cette énergie d'une façon intégrale, parce que l'homme pense. Il y a une relation étroite entre la conscience cellulaire et le mental humain. Et cette conscience devra un jour être établie d'une façon totalement unitaire, dans ce sens que l'homme devra être capable demain de rentrer dans la conscience mentale à travers l'organisation naturelle de son cerveau et faire vibrer ces neurones pour aller chercher dans le cosmos toute la programmation qui fait partie de la définition de l'homme futur, ancien et nouveau. Il n'y a aucune limite à l'être humain. Il n'y a aucune limite à l'intelligence, parce qu'il n'y a aucune limite à l'énergie. Mais tant que l'homme mettra une limite à travers la forme sur le mental de l'homme, il sera obligé de vivre de la connaissance imposée par implantation à travers les ajusteurs de pensée selon leur niveau d'évolution. Il ne sera pas capable de se dissocier de la particularité de l'être humain qui fait partie de la qualité de notre conscience planétaire, celle d'être toujours assujetti à une forme quelconque d'absolu. Et ça, c'est la plus grande réalité de l'homme, qu'il découvrira par lui-même au cours de l'évolution. En attendant, on peut dire que le rôle des ajusteurs de pensée, ce serait de remodeler le mental pour en développer un supérieur. Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est d'en arriver un jour à pouvoir faire la fusion avec l'homme pour que l'homme puisse refaire la conquête de sa propre territorialité psychique. L'homme, en fusion, est capable de remonter le courant cosmique de l'énergie jusqu'aux plans les plus subtils pour en arriver finalement à décrocher sa propre programmation. Et sa propre programmation, elle est universelle, elle fait partie de la conscience de tous les hommes, et elle fait partie aussi des dessins animés, créatifs et dynamiques de tous ces gouvernements invisibles qui font partie de l'homme sur les plans subtils de sa conscience. Il n'y a pas de division entre l'homme et l'invisible. D'ailleurs, l'invisible n'existe pas. La seule raison pour laquelle l'invisible existe chez l'homme, c'est parce que l'homme est limité psychologiquement à la déformation mentale de son ego. Si l'homme n'avait pas cette déformation mentale égoïque, il ne connaîtrait pas l'invisible. Tout serait visible pour lui. Donc, il serait capable d'entrer en dialogue mental évolutif avec des intelligences qui font partie de son organisation intégrale. Donc, il serait capable de comprendre parfaitement les mystères. Donc, il serait capable de comprendre les infinités. Il serait capable de comprendre les absolus. Il pourrait distribuer sur le plan matériel toutes les formes de connaissances dont ses frères ont de besoin afin d'en arriver un jour à éliminer de la conscience planétaire évolutive le besoin d'être soumis à une forme d'absolu. Quel rapport est-ce qu'il peut y avoir entre l'ajusteur de pensée et le bloc psychique de l'homme, ou ce qu'on appelle l'âme psyché? L'âme est utilisée par l'ajusteur de pensée parce que l'ajusteur de pensée a besoin d'expérience. Toutes les expériences de l'homme sont bonnes parce que toutes les expériences servent à créer une mémoire. Et toute mémoire qui fait partie de l'âme fait partie du matériel utilisé par l'ajusteur de pensée pour créer un corps mental, un corps astral subtil, un corps vital solide, un corps physique qui répond très bien à ces trois autres principes pour éventuellement en arriver à une fusion de plus en plus capable d'intégrer son énergie avec la sienne. Tout est mémoire. Pourquoi l'homme vit l'expérience? C'est une insulte à l'homme de vivre d'expérience. C'est une insulte. Un être intelligent ne vit pas d'expérience. Il vit créativement, point final. Nous vivons d'expérience. Nous mettons les pieds dans les plats, nous recommençons, nous mettons les pieds dans d'autres plats, nous recommençons, nous vivons d'autres plats, nous recommençons, et nous faisons ça toute une vie. Il y a des êtres qui vivent toute une vie à recommencer des expériences et des expériences. Finalement, ils meurent d'expérience et ils recommencent, ils vont sur les autres plans, ils se mettent en communication télépathique à l'insu d'autres hommes qui sont encore dans l'expérience. Ça fait partie du monde de la mort. Et ceci, ce balai cosmique, ce balai continue et continue pendant des milliers d'années. L'homme n'a aucune autorité sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il vit d'expérience. Pourquoi? Parce que l'homme écoute. L'homme écoute. L'homme est à l'écoute. Et s'il n'est pas à l'écoute, s'il est tout à fait retors, là, est-ce qu'il peut fusionner avec l'ajusteur de pensée? Il faut qu'il soit retors intelligemment. Faut que l'homme soit guerrier dans le mental pour avoir la victoire sur les formes mentales qui l'assujettissent à une conception de l'ajusteur de pensée. L'homme nouveau, les fils de la lumière, ce seront des guerriers. Ce seront des hommes qui seront dans la puissance de leur mental. Il n'y aura aucune force occulte en eux, aucune force sur les plans parallèles qui pourra les dominer, parce qu'ils seront dans l'intégration de leur énergie. Ce seront des êtres qui auront atteint un niveau de perfection, et ce niveau de perfection continuera pendant l'évolution future. Mais un homme qui n'est pas guerrier dans le mental est automatiquement spirituel dans le mental, et s'il est spirituel dans le mental, il est maté. Pourquoi vous croyez que dans le monde aujourd'hui, regardez dans le monde, dans le monde de la religion mahomédane, dans le monde de la chrétienté, dans le monde de toutes les religions, pourquoi demande-t-on de croire? Croire. Qu'on croit à la Sainte Vierge, qu'on croit à Allah, ou qu'on croit à Allah pas. Qu'on croit, never croire. Croire. Pourquoi? Parce que ça fait partie du travail des hautes sphères spirituelles sur la terre. Ça fait partie des jeux de l'astral, ça fait partie de la domination de l'homme, ça fait partie de la conspiration contre l'homme. Et l'homme ne peut pas passer de cette condition mentale évolutive historique totalement programmée qui fait partie de son histoire à un un mouvement totalement opposé, parce qu'il faut qu'il soit préparé, préparé. Alors, comment il est préparé? L'ajusteur de pensée, il entre. Quand l'ajusteur de pensée, il entre, le choc, la souffrance est tellement grande que l'homme, naturellement, en arrive à le haïr. Il faut en arriver à le haïr. Un homme qui ne haït pas son ajusteur de pensée, c'est un homme qui est parfaitement culotté ou parfaitement déculotté. Tu ne peux pas tomber en... Tu peux tomber en amour avec le monde spirituel de l'astral, avec les entités de l'astral, mais tu ne peux pas tomber en amour d'une façon permanente avec ton ajusteur de pensée. Au début, oui. Au début, oui, parce qu'au début, nous sommes des êtres spirituels. Le choc nous crée tout un miroitement de possibilités. Le choc nous éblouit. C'est absolument extraordinaire. Mais avec le temps, la souffrance, le travail, la transmutation, les jeux qu'il joue avec nous, comme si nous étions des petites souris, et ainsi de suite, là, on arrive à le haïr. Et je dis une chose, il ne faut pas interpréter ce que je dis, mais je vais le dire anyway, parce que je vais l'écrire anyway. Il faut que ce soit su dans le monde anyway. La haine de l'homme contre le cosmos rendra l'homme libre. L'amour de l'homme pour le cosmos le gardera d'une façon permanente dans l'évolution et la naïveté spirituelle. Que vous aimiez ça ou non, ça m'en fout. Mais si je peux dire une chose, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la réalité que l'homme nouveau, nous commençons à comprendre, moi je parle, mais il y en aura d'autres qui parleront. Et ceux qui parleront et qui amèneront vers l'homme ou face à l'homme la réalité de l'organisation psychique de son mental, la réalité de son moi, la réalité de l'organisation psychique de la conscience de ses cellules, ceux qui amèneront à l'homme cette connaissance, qu'ils disent n'importe quoi, ils créeront des chocs. L'homme nouveau ne peut pas parler à l'homme ancien sans créer de choc dans la conscience de l'homme ancien. Et si l'homme ancien n'est pas capable de prendre ses chocs, il est bon pour la mort. Et s'il est bon pour les prendre, est-ce qu'il est bon pour l'immortalité? S'il est bon pour les prendre, et s'il est capable, s'il a la suffisance vitale de vivre jusqu'au moment où le contact se fera entre l'homme cosmique et l'homme de la Terre, à ce moment-là, il connaîtra l'immortalité. Est-ce que c'est l'immortalité de sa personnalité, l'immortalité de sa conscience? C'est l'immortalité de sa conscience. Qu'est-ce qui devient l'homme après sa fusion, son intégration? Est-ce qu'il meurt dans son corps physique? Corps physique, oui. Le corps physique, la mort du corps physique, ce n'est pas important. Est-ce qu'il devient lui-même une sorte d'ajusteur de pensée? Non. Il devient un être créateur. Il a le contrôle de sa conscience sur tous les plans. Il veut se matérialiser, il se matérialise. Il veut partir, il part. C'est normal. Il y a une nobilité dans la conscience humaine. Il y a de la lumière dans l'or. Il y a de la réalité dans l'or. Il est parfaitement le résultat de la programmation originale de sa création. Il n'est pas simplement le produit manipulatif de certaines intelligences qui elles-mêmes sont en évolution et qui utilisent leur haut statut spirituel pour la confrontation de leur intelligence avec l'expérience humaine sur une planète en quarantaine. Physicien Jean Charon disait récemment dans un de ses livres que la mort de l'homme profitait à des éons, à d'autres entités, pour se bâtir un monde à même son énergie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parfait. Vous lui donnez mon adresse. C'est pas mal étonnant de la part de la mort de l'homme, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça. Donc, il se crée des espaces, des mondes habités. Voilà, à travers l'expérience de l'homme. À travers l'expérience de l'homme. Oui. L'homme, l'énergie mentale de l'homme, l'émotion de l'homme est utilisée pour créer des mondes. D'où croyez-vous que vienne l'énergie de vos rêves? Vos rêves, quand vous rêvez, les conneries. D'où croyez-vous que vient cette énergie? Cette énergie, elle est créée à partir de l'expérience de l'homme par des entités sur les autres plans. C'est-à-dire qu'il nous renvoie ça comme un miroir? Voilà! Il nous renvoie ça comme un miroir et nous regardons le miroir et ça pue. Ça fait peur. Ou c'est ci, ou c'est ça. C'est écœurant, le cosmos. C'est pour ça que je dis, je regarde dans le monde ce qui se passe au niveau de tout. Et la seule consolation que j'ai, c'est quoi la phrase que vous disiez de Nietzsche? La dernière fois, que Nietzsche, quand il voyait ou quand il projetait éventuellement l'homme libre, l'homme dans sa volonté, l'homme dans son énergie plus tard, il vibrait, il quelque chose comme ça là-bas. Alors, nous sommes arrivés à l'évolution, l'humanité est arrivée à ce stade, à la fin du V, et à partir du moment où cette connexion, ce mouvement nouveau est fait, l'homme s'en va dans cette direction. Et l'homme nouveau, je parle de l'homme nouveau, qu'il y en ait quelques-uns ou qu'il y en ait plus, l'homme nouveau, la naissance de l'homme nouveau, la naissance d'un être absolument conscient sur le plan matériel est la seule force, est la seule condition, est la seule réalité qui fait que la Terre ne serait pas détruite. Si l'homme nouveau n'était pas né, ou si l'homme nouveau ne naissait pas dans l'avenir, les hommes de l'involution, manipulés par l'astral comme ils le sont, en arriveraient éventuellement à détruire leur planète. C'est une loi mécanique, c'est une loi normale, et communiquer avec n'importe quelle entité sur le plan astral, ils vous l'ont dit. Ça veut dire que ce que nous avons commencé dans le temps, nous le finirons certainement dans l'éternité, si ça mérite d'être achevé. Si ça mérite d'être achevé. L'homme est un immortel. L'homme de sa programmation originale, il est un immortel. Il y a eu des immortels, le Nazaréen, c'est un immortel. Il y a eu des immortels. Bon, l'homme, c'est un immortel. Mais au lieu que les immortels soient, représentent simplement des figures initiatiques qui ont servi pendant le passé à l'évolution, à l'involution, ou à la... Au développement de l'homme sur le plan national, sur le plan des civilisations, ainsi de suite, dans l'avenir, l'homme sera un immortel. Il y en aura plusieurs immortels, pas simplement un à chaque cycle, plusieurs immortels. C'est un nouveau cycle. La lumière descendra sur la Terre. La lumière descendra sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière descendra sur la Terre? Ça veut dire que la lumière se joindra à l'homme. Ça veut dire que l'homme entrera dans la fusion. Ça veut dire que l'homme en arrivera éventuellement à transmuter son mental. C'est-à-dire qu'il en arrivera à connaître et à reconnaître tous les recoins du mensonge cosmique. Ceci veut dire que l'homme en arrivera à dépersonnaliser l'absolu. En dépersonnalisant l'absolu, l'homme deviendra absolu. Tant qu'il n'aura pas dépersonnalisé l'absolu, il sera accroché par des liens karmiques au plan spirituel. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la quarantaine de la Terre. Qu'est-ce qui a valu cette quarantaine? Ce qui a valu la quarantaine, oui. Pour qu'on a créé oui. la situation, oui. Parce que l'homme, quand il a été créé à un niveau de perfection, autrement dit de science cosmique, de science universelle tellement avancée, que sa naissance dans l'intelligence, dans les mondes de l'intelligence, créait une tension dans les mondes inférieurs qui évoluaient, parce que les mondes qui font la gestion du cosmos sont des mondes qui gouvernent. Et les mondes où les êtres, les intelligences ou les hiérarchies qui gouvernent ne veulent pas être troublés dans leur gouvernement. Le pouvoir ne veut jamais donner le pouvoir. Et lorsque l'homme a été créé, il a été créé par des intelligences tellement avancées, la crème de la crème, que vous appelez les forces de la lumière, les esprits de la force, que la naissance de l'homme sur les plans et dans les temps a nécessité qu'éventuellement il puisse en arriver à la conversion de son énergie dans les plans les plus inférieurs de sa matière. Donc, pour ceci, on a choisi une planète très loin dans le cosmos, une planète prison, si vous voulez, une planète qui est en quarantaine, afin que l'évolution de l'homme ne se fasse par elle-même. Parce que si l'homme avait évolué dans la galaxie en proximité d'autres planètes en évolution, il aurait été automatiquement assujetti à d'autres formes d'intelligence. Donc, en mettant l'homme très, très, très, très loin dans la galaxie, automatiquement, l'homme pouvait évoluer seul, et avec le temps, on savait qu'on devait faire la fusion avec lui, qu'on devait reconnecter avec lui, qu'il devait retourner à l'origine, et l'homme, à ce moment-là, serait prêt, finalement, à reprendre son statut universel en tant qu'être créé. Une dernière petite question, la relation entre la fusion avec l'ajusteur de pensée et le double éthérique. Le double éthérique, c'est la métamorphose, la transmutation du corps humain. C'est un corps de lumière, c'est un corps qui est parfait. Donc le double éthérique, c'est la substance même de toute organisation de la conscience atomique de l'homme. Le double éthérique représente la lumière de l'homme concentrée sur tous les plans. Le double éthérique, c'est l'immortel. Et dans ce double éthérique existent toutes les conditions d'évolution future. Donc, dans le double éthérique, il n'y a pas d'ajusteur de pensée. Il n'y a pas d'homme. Il y a simplement une nouvelle substance qu'on appelle le corps moronciel de l'homme, le corps de lumière de l'homme. C'est l'homme qui sera, dans les temps à venir, celui qui a dû toujours être. Merci beaucoup. C'est l'homme qui a été créé originellement sur les plans et qui finalement sort de la matière pour donner à la vie une nouvelle évolution. Merci beaucoup.